Bon. Bonjour à tous. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, encore merci pour cette journée que tu nous donnes, pour ce soleil, pour la louange que nous avons eue ce matin, Seigneur, pour nos frères qui nous ont conduits. Merci. C'est le moment pour nous d'écouter ta parole. C'est le moment pour nous de nous entretenir les uns les autres. Nous prions que ce que nous allons entendre nous fasse du bien, et à moi aussi, Seigneur, que ça me fasse du bien. Je prie aussi, Seigneur, que tu parles à chacun, au-delà de ce qui va être dit, au-delà des mots qui seront employés, mais que ton esprit parle au cœur de chacun dans les domaines qui les intéressent, dans les problèmes qui les intéressent, afin que chacun d'entre nous puissions sortir d'ici édifié. Merci parce que nous savons que tu vas le faire en Jésus. Amen. Il y a beaucoup de monde là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous voyons Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. C'est « Demandez, il vous sera donné », Matthieu 7, 7. Ça, c'est assez connu. On va lire le passage. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Ceux qui ont leur Bible pour ouvrir, sinon pour écouter aussi. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Verset 8, « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » On s'achemine petit à petit vers la fin du sermon sur la montagne. Ça fait depuis décembre, je crois, qu'on a commencé. Depuis septembre. Donc Matthieu chapitre 5, 6, 7, ça fait un bail. Et donc là, on s'achemine vers il nous reste, je crois, deux dimanches, et on aura terminé le sermon sur la montagne. Une petite parenthèse, actuellement en France, il y a les élections présidentielles. Et donc les deux candidats, les deux favoris, Hollande et Sarkozy, font chacun des promesses à qui promet le plus. Donc moi aussi, je vais rentrer dans le jeu et faire une promesse. Je vous promets que dimanche prochain, ce ne sera plus moi. Voilà. Donc encore un peu de patience. Donc on arrive, le sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 7, 5, 6, 7, nous ont présenté le royaume de Dieu. On a parlé depuis septembre du royaume de Dieu, de ses règles, ses exigences, ses principes. On a parlé aussi des relations qu'on a dans le royaume entre nous et le Père, entre nous, frères. Et donc là, on arrive à la conclusion du sermon sur la montagne. Ça, c'est un peu la conclusion et il y a une exhortation finale qui viendra dimanche prochain et les deux dimanches. Et ensuite, ça sera terminé. La dernière fois, nous avons parlé de Jésus qui enseignait, de comment il enseignait, de comment il utilisait la parabole, l'hyperbole, l'exemple, le paradoxe dans son enseignement. Et la semaine dernière, nous avons vu dans Matthieu, chapitre 7, donc c'était verset 1 à 6, nous avons vu par exemple quand Jésus disait « Ne jetez pas vos perles aux cochons », comment est-ce que jeter ses perles aux cochons, ça pouvait constituer une hyperbole, c'est-à-dire une exagération, un exemple exagéré. Mais tout ça pour vous dire que, on a dit aussi dimanche passé, pour ce qui n'était pas là, un petit rappel, que pendant tout le sermon, et d'ailleurs pendant tous ses discours, Jésus, en filigrane, c'est-à-dire en tâche de fond, enseignait des vérités universelles à son auditoire. Il prenait des exemples de tous les jours pour leur expliquer des vérités fondamentales, vraiment profondes. L'une d'elles, dont on parlera aujourd'hui, par exemple, c'est la règle d'or. La règle d'or, c'est le verset 12 qu'on a lu. C'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Cela dit, on peut le prendre aussi à l'envers. Hein. Si vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose, ne le faites pas aux autres, etc. Et donc, cette règle-là, c'est un corollaire d'une règle beaucoup plus profonde, d'une loi. Ah oui, le mot corollaire. La semaine passée aussi, on a parlé du mot corollaire. On a vu beaucoup de mots la semaine passée. On a dit la semaine passée qu'un corollaire, C'est une partie d'une loi, c'est une conséquence d'une loi. Je prends un exemple. À tes souhaits. Je prends un exemple. Si je dis que tous les humains sont mortels, c'est une loi communément admise. Tout le monde meurt. Et si je dis que Martin est un être humain, le corollaire, c'est que Martin est mortel. Ça, c'est le corollaire. Et Jésus passait souvent par des corollaires pour expliquer aux gens. Parce que parfois, comprendre une loi est difficile. Mais comprendre l'effet d'une loi, parfois, c'est beaucoup plus simple. Récemment, on avait découvert, il y a quelques années, le tombeau de l'empereur Qin. L'empereur Qin était le premier empereur, chinois. Avant, il y avait 5 royaumes en Chine qui se battaient, qui se faisaient la guerre depuis des siècles et des siècles. Et un jour, il y a un grand roi qui est venu, le grand King Shi Huangdi, qui s'est dit, écoutez, je veux combattre tous les royaumes, prendre le pouvoir et créer un premier grand empire. Donc il a créé le premier grand empire. D'ailleurs, ce roi-là a donné son prénom, son nom au pays, Chine, ce qui s'appelait Chine, donc le pays s'appelle Chine. Quand il est mort, il s'est fait construire un grand mausolée et il a enterré des soldats avec lui. Et là, vous allez me demander, mais où est-ce qu'ils vont venir? Ces soldats-là, donc c'est ce qu'on appelle les soldats en terre cuite, il y avait une exposition à Montréal récemment là-dessus, des soldats. Ils étaient en argile, mais ils avaient des vraies épées. Ce qui est intéressant, c'est que ces épées-là, 2000 ans plus tard, on les a sorties, elles étaient toutes aussi tranchantes et pas rouillées, mais pas un sou. 2000 ans sous la terre, pas rouillées, rien du tout. Aujourd'hui, même la technologie qu'on a aujourd'hui arriverait difficilement à faire de telles épées, qui 2000 ans plus tard, ça coupe toujours autant. Ces gens-là ne comprenaient pas les principes peut-être physiques de la chimie du carbone. Tout ce qu'on a aujourd'hui, nos industries, nos cours, nos chimistes, eux, ils n'avaient pas tout ça. Ils ne connaissaient pas la loi qui régissait le fonctionnement des atomes de carbone. Mais eux, ce qu'ils savaient, c'est que quand on fait ça, voilà ce qu'on obtient. Ils appliquaient simplement une loi qu'ils ne connaissaient pas, mais ils connaissaient les effets et ils appliquaient. C'est ça, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un corollaire? Un corollaire, c'est simplement le dérivé d'une loi, l'effet d'une loi qu'on peut comprendre. Ça, on peut le comprendre. À la fin, on parlera très rapidement de la règle d'or, qui est en fait le corollaire d'une loi beaucoup plus profonde. Cette loi-là, on peut donner n'importe quel nom, on se l'a dit, je ne sais pas si quelqu'un a donné un nom. Moi, j'appelle la loi boomerang. Ce que tu envoies, ça te revient en pleine figure. Si ce que tu envoies, c'est bon, c'est du bon qui te reviendra. Pour ceux qui sont un peu plus poétiques, qui ont une âme de poète, comme votre serviteur, je dirais, on peut l'appeler aussi la loi des ondes d'eau sur le lac. Vous savez, vous jetez une pierre, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, vous jetez une pierre, ça fait des ondes. Mais dès que les ondes touchent le rebord, qu'est-ce qui se passe? Elles reviennent en fait, elles reviennent au centre. C'est marrant. Ce qui a généré les ondes, une fois que ça a touché, ça revient, ça te revient. Ça, c'est une loi. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a un nom qui est donné à ça, je n'ai pas cette érudition-là, mais on voit les effets. Et les effets, c'est ça. Et même dans la Bible, il y a de nombreux corollaires, de nombreux effets qui sont décrits dans la Bible. Dans Ecclésiaste, par exemple, au chapitre 11, il est écrit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent l'eau qui passe par un ruisseau, qui passe par un fleuve, il ne revient pas. Enfin, en tout cas, la plupart du temps. Jusque-là, ça veut dire que si tu jettes ton pain là, ça m'étonnerait quand même que ce même pain-là trouve un moyen de revenir là. Mais là aussi, c'est une façon de parler, simplement pour dire que ce pain ne sera pas perdu. On t'en donnera un autre. Ce ne sera pas celui-là, mais on t'en donnera un autre. Ça revient. Hier, dimanche passé, on a vu dans Matthieu, le passage de Matthieu 7, de 1 à 6, « Car le jugement dont vous jugez, on vous jugera. Du jugement dont vous jugez, on vous jugera. » On a aussi vu, dimanche passé, « Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement. » C'est-à-dire que tous ces passages-là redisent, on rabâche, on redit. Ça, c'est une technique que les enseignants connaissent très bien, c'est la redite, parce que ça finit par rentrer. On redit une fois, on redit deux fois. Peut-être quand ça passe pas, on essaye une autre technique. Les enseignants, je dis pas des bêtises. On essaie de le dire autrement. Si tout ça, on redit. Puis la fois d'après, on remet une petite couche avant de continuer, histoire de rafraîchir, pour que ça rentre bien. Ce passage, cette règle-là aussi s'applique dans d'autres, dans certains domaines, comme dans nos relations avec les gens. La justice est bonne. Le fait de rechercher la justice sociale est bonne. Le fait de rechercher la droiture dans toute chose, elle est bonne. Il n'y a aucun mal à aimer la justice. Il n'y a aucun mal à vouloir que la justice soit toujours rendue. Il n'y a aucun mal, c'est la justice. Il n'y a aucun mal à vouloir que le coupable paye. Parce que quelqu'un qui est coupable de quelque chose doit payer. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal que le menteur soit dénoncé, parce que ce n'est que justice. Mais c'est un choix. Si on vit selon cette règle-là, c'est un choix personnel que nous faisons. Je ne porte aucun jugement ni sur moi si je le fais ou quelqu'un d'autre qui le fait. C'est un choix personnel. Mais sauf que si nous vivons selon la justice et non selon la miséricorde, le jour où nous serons pris en faute, nous serons traités selon la justice, non selon la miséricorde. Maintenant après, si on aime ça, il n'y a aucun souci. Mais demander, chercher, frapper. Ça, c'est la première partie de notre texte. Il y aura trois parties dans notre discussion. La première, ce sera sur le demander, chercher, frapper. La deuxième, ce sera sur l'étape des disciples. Et la troisième, c'est la loi et les prophètes pour terminer. Et à la fin, j'aurai une question pour vous. Parce qu'on a fait un petit commentaire la dernière fois, très constructif, et je remercie la personne qui l'a fait. Je ne dénoncerai pas, mais je vais laisser un petit temps pour deux, trois commentaires. Et puis, pas des questions, je ne pourrai pas répondre. Mais des commentaires ou des compléments si vous en avez, et répondre à une de mes questions à moi. Je sais, je fais ce que je veux. Vous répondez, pas moi. Donc, première partie, demander, chercher, frapper. Qui d'entre vous connaissent Watchman Nee? Qui a entendu parler de Watchman Nee? C'est un... Bon, je suis ce qu'on peut appeler un fan de Watchman Nee. Aujourd'hui, il est avec le Seigneur. C'était un frère chinois, Watchman Nee. C'est un frère chinois, pas dissident, mais chrétien, qui a écrit beaucoup de choses. Il a écrit L'Homme spirituel, gros bouquin. Et Watchman Nee, lui, il disait que chercher, demander, chercher, frapper, pour lui, ici, ça parlait de prière. Et pour lui, il s'agissait ici de trois niveaux d'intensité dans la prière. Je vais reprendre le verset. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Donc pour lui, il y avait trois niveaux d'intensité. Il dit, prier, demander, c'est prier de façon juste normale. J'ai besoin de quelque chose, je demande simplement. Chercher, c'est prier de façon spécifique et frapper, c'est prier de façon directe. Chaque étape est plus pressante l'une que l'autre. Il y a une progression dans la prière. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce que la prière a à voir dans tout ça? Même si demander, c'est dans la prière. Parce que Matthieu 7 est un peu la conclusion du sermon sur la montagne. Et c'est le prolongement de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Je ne sais pas pour vous, mais quand le sermon a commencé par « heureux ceux qui pleurent » ou « heureux les débonnaires, heureux les humbles », moi, je ne me sentais pas trop surtout avec choses comme « heureux les humbles » ou « heureux ceux qui recherchent la justice », c'est quand même un... C'est élevé quand même. En tout cas, je ne me voyais pas encore là-dedans. On aspire à ça. Et là, dans Matthieu 7, ce qui est dit ici, c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir suivre, vivre ce que j'ai dit. Le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on l'ouvrira, est une promesse. Ok? Si vous demandez, on vous donnera. Si vous cherchez, vous trouverez. Si jamais vous frappez à la porte, on vous ouvrira. Et le verset 8, c'est un principe qui s'appuie sur la promesse qui est faite. Ça va, je vous perds pas? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'en ouvre à celui qui frappe. Bon, pour arrêter de vous achaler avec ça, où est-ce qu'on va et tout ça? Quel est le rapport? Le rapport est simple. Il faut de la puissance pour accomplir le sermon sur la montagne. Un homme ordinaire, même quelqu'un qui veut très, très, très, très fort, ne pourra pas accomplir ce sermon sur la montagne. Jamais. Ne pas juger ou être humble en toutes circonstances, pardonner, c'est pas évident. Un homme de chair et de sang, un homme normal, ne peut pas le faire. Il faut une puissance pour ça, une puissance spirituelle. Et cette puissance-là vient par la prière. D'où le demander, d'où le chercher, d'où le frapper. pas seulement demander simplement avec une intensité normale, mais vraiment aller chercher de tout notre cœur. Deuxièmement, toutes les prières de foi, et ça c'est la promesse, toutes les prières de foi recevront une réponse. Ça c'est Jésus qui le dit. Et là, je vous entends peut-être dire, mais oui, mais il n'a pas parlé de foi quand il dit de demander, il n'a pas dit que vous recevrez si vous avez la foi. Ça, Jésus le précise dans un autre passage, en Marc chapitre 11. Je ne sais pas si on ferait une étude sur le livre de Marc. Bon, mais bon, on verra. En Marc chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et là, Jésus va préciser l'importance de ce mot foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, donc le lien entre la demande, la prière, croyez que vous l'avez reçu, le lien avec la foi, et vous le verrez s'accomplir. La demande se fait dans la prière, et la prière c'est une prière de foi, pour que ça puisse s'accomplir. Parce que moi, ce qui me dérange là-dedans, j'ai beaucoup de fois demandé des choses, moi, que je n'ai pas vues. Hein. J'ai fait des prières, demandé, je n'ai pas vu. La question, je me suis demandé, mais si la parole dit que ben, celui qui demande, on lui donne, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Ou le... La parole dit ici que ce qu'il faut, c'est la foi. Je m'attardais un peu sur ça, parce que c'est important. C'est une promesse que Dieu fait. Il dit que si je lui demande, je reçois. Mais autour de nous, moi, ce que je vois, c'est que parfois, beaucoup de gens demandent et ne reçoivent pas. Peut-être parce qu'ils ne demandent pas aux bonnes personnes. Dans notre monde, actuellement, ce n'est pas la règle. Ce n'est pas que tu demandes et tu reçois. Souvent, il faut prendre par la force, par la ruse, par l'intelligence, je ne sais pas. Mais moi, je connais des étudiants qui ont demandé qu'on enlève la hausse des frais d'études. Ils ont reçu. Mais ce n'est pas la baisse qu'ils ont reçue. Coup de matraque. Lacrymogène. Moi, je connais des Syriens qui ont demandé un peu plus de liberté, qui ont demandé la démocratie. Ce qu'ils ont reçu, c'est la torture. C'est autre chose. Ils avaient demandé. Pourquoi est-ce que ça, pour le royaume, comment se fait-il que ça peut aussi se passer comme ça? Comment se fait-il que parfois, quand on demande à Dieu avec instance, pourquoi est-ce que ça ne vient pas? La clé est là. C'est la foi. Pour la plupart des gens, la foi, c'est quelque chose, simplement, je crois. Je prie et Dieu me donnera. Je crois que Dieu va le faire. Je pense que la foi est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. La foi n'est pas une croyance. La foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas quelque chose qu'on dit simplement une espérance. C'est pas ça. Hébreux 11 nous dit, et ça tout le monde connaît ce fameux verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais je ne sais pas si on a souvent pris le temps de le relire, parce que moi, ça me choque. Il y a des choses qui me choquent dans ce verset-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, que ce soit en mathématiques, ou que ce soit un vendeur de fenêtres qui part à la campagne pour vendre, ou un vendeur de chez Walmart, une démonstration, c'est prouver d'une manière évidente, convaincante, montrer quelque chose. Fournir la preuve ou l'indice de quelque chose de manière indiscutable. C'est ça une démonstration. Montrer, mettre sous les yeux. Regarde, tiens, ça, là, c'est ça une démonstration. Dans la science expérimentale, une démonstration, c'est ça. C'est je mélange mes machins, ce que j'avais dit, voilà, touchez, voyez, sentez, goûtez, ce que vous voulez. C'est une démonstration. C'est là. Comment on peut démontrer, dans ce cas, quelque chose qu'on ne voit pas? Comment l'autre personne peut accepter une démonstration alors que je démontre quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni sentir, ni rien du tout? C'est un peu, je ne sais pas si vous me comprenez le paradoxe qu'il y a dedans. On démontre, mais montre justement, et dans démontre, il y a montre, et quelque chose qu'on ne voit pas, il y a une contradiction dedans. Du point de vue humain, ça n'a aucun sens. L'épître aux Hébreux est attribuée à Paul. Bon, je ne sais pas si c'est Paul qui l'a écrit. À la fin, vous demanderez à Glenn, il vous dira qui exactement a écrit l'épître aux Hébreux. Mais on l'attribue à Paul, donc on va supposer que c'est Paul qui l'a écrit. Bon, voilà, rien que pour cette heure-là. Paul était quelqu'un quand même qui était très instruit. Et je pense que Paul était quelqu'un qui était féru de culture grecque, parce que dans ses tournures de phrases, vous savez, dans les épîtres aux Corinthiens, les épîtres des épîtres aux Romains, il y a des phrases longues et des phrases « donc si, vous, alors, donc si, alors ». La phrase prend une page. À la fin de la phrase, là, j'ai oublié ce qu'il avait dit au début. C'est juste une phrase. Si, donc, alors. Là. Donc, il avait des tournures de phrases assez complexes, et ça, c'était propre aux Grecs. C'est quelqu'un qui était quand même instruit. Comment Paul, instruit comme il est, va parler de démontrer quelque chose qui ne peut pas se montrer? C'est un peu... Paul emploie ici un langage spirituel pour décrire une réalité spirituelle. La foi est quelque chose de spirituel. Parfois, il arrive qu'on entend, moi j'avais la foi, mais pourtant ça ne s'est pas passé. Je ne veux pas mettre ici en doute la foi de personne. Simplement, j'aimerais qu'on parle de la foi. Qu'est-ce que c'est? La foi n'est pas de notre monde. Je m'explique. La substance même de la foi transcende l'espace et le temps. Comme certaines perceptions humaines. Je vais prendre un exemple terre à terre. Un jour, j'étais en France, j'étais très, très, très malheureux. J'avais un gros chagrin, très gros chagrin. Ma mère était au Congo. Il y avait à peu près 6000 kilomètres, si je ne me trompe pas, 6000, 7000 kilomètres de là. Ce même jour-là, alors que moi, je suis pas un enfant modèle. Hein. J'ai l'habitude de disparaître pendant 5 ans, 6 ans et... Je ne sais pas bien, je sais, je ne suis pas très, très maman, très papa, donc je n'étais pas en relation soutenue avec ma mère. On se parlait une fois l'an, une fois les 2 ans, une fois les 3 ans. Non, il n'y avait pas de colère particulière, il n'y avait rien du tout, mais sauf que j'ai beaucoup voyagé, voilà. Et ma mère qui m'a appelé pour me dire que je sens que tu as un grand problème. Effectivement, moi j'avais un grand problème. Et comment est-ce qu'à ce moment-là, alors que moi j'ai parlé à personne autour de moi, comment est-ce qu'elle s'en est rendue compte que j'avais un problème? Autre chose ici, peut-être que des choses que peut-être les mères ressentent beaucoup plus, quand leur enfant a un problème, et même quand il n'est pas là, alors ne me demandez pas comment ça se passe, j'en sais absolument rien du tout. À mon avis, même les mères ne savent pas comment ça se passe. Mais il y a quelque chose parfois qui fait qu'elles ressentent qu'il y a un problème, ou il y a une angoisse, ou même des fois il y a une source de joie. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est quelque chose que la physique ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de lien Wi-Fi entre la mère et puis l'enfant à des milliers de distance. Comment ça se fait? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Ça résonne quelque chose? Ou même des fois, même quand la maman est âgée, ou je ne sais pas moi, mais comment, c'est quoi ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Simplement pour dire que dans ce monde, il y a des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre capacité. Et la foi... et de ce domaine-là. Quand on essaie d'expliquer la foi avec des mots courants, on n'arrive pas parce que ce n'est pas explicable avec des mots comme ça. L'homme, l'être humain, nous, toi, vous, moi, on est des gens qui vivons dans l'espace et dans le temps. On est, on meurt. On vit dans l'espace et dans le temps. On se définit dans l'espace et dans le temps. On est au Canada, on est au Québec, il est dimanche, on est à telle heure, etc. On se définit comme ça. Il nous est difficile, en tant qu'être humain, de concevoir un monde où il n'y a pas le temps, où il n'y a pas l'espace. Ça ne peut pas rentrer dans notre tête. On ne peut pas le concevoir parce qu'on est des créatures qui vivent dans l'espace et dans le temps. Plus tard, j'espère le plus loin possible, on passera de l'autre côté, mais bon, peut-être que là-bas ce serait différent, mais pour l'instant, on ne peut pas vivre autrement. Il nous est impossible de concevoir des choses comme nulle part, par exemple, ou de concevoir des choses comme hors du temps. C'est très difficile pour nous de concevoir une absence de temps ou une absence d'espace, parce qu'on est tellement habitué à vivre dedans qu'on peut pas concevoir les choses autrement. Je vous donne un exemple. Le terme de nulle part, on ne peut tellement pas le concevoir que nous, on l'a dans notre esprit, et ça c'est dans toutes les langues, quasiment toutes les langues, on l'a réarrangé, pour que nulle part devienne synonyme de pas un endroit que tu connais. Exemple, tu étais où hier? Oh, nulle part. Mais ça veut dire que soit je traînais par ici, par là, ou je ne suis allé à aucun endroit spécifique. C'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-là, pour nous, nulle part ne veut pas dire pas hors de l'espace, mais ça veut dire un espace que, bon, rien de remarquable. Pourquoi? Parce que notre entendement ne peut pas concevoir l'absence de l'espace et l'absence du temps. Pourtant, certains événements dont nous parlons souvent se passent hors du temps. Par exemple, vous et moi, on sait que Jésus a été crucifié. Il était crucifié quand déjà? Autour de l'an? Ah non, pour moins 3. Il est né, crucifié. Crucifié. Moins 32, 33, 35, 30, bon, bref. À Golgotha. Ah. À Golgotha, sur la place, donc sur la place du crâne, à Jérusalem, à ce moment-là, moins, à 33, 32, 34, autour de ça. Bon, ok? C'était un événement qui s'est passé, il est terminé, il s'est passé à tel. On peut le situer dans l'espace et dans le temps. Pourtant, certaines versions de la Bible, dans Apocalypse 13, 8, par exemple, il est dit que ils adoreront tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bon, là déjà, je vois Glenn qui sourit parce que peut-être qu'il y a une petite polémique là-dessus. Parce qu'il y a différentes versions. Hein. Il y a des versions qui disent dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. D'autres versions disent dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dans cette version-là, ça sous-entend que Jésus n'a pas été visuellement, physiquement, dans notre réalité. Il a été crucifié en l'an 33, 34, 35, à un temps T. Mais dans l'éternité, c'est bien avant cela que la crucifixion, que l'immolation, que le sacrifice a eu lieu, bien avant la fondation du monde. Et là, j'entends des gens qui me disent, oui, mais l'autre version, elle dit que non, c'est les noms qui ont été écrits, pas l'agneau. Ok, d'accord. Je veux satisfaire tout le monde. Supposons que la première version a raison, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Mais dans ce cas, c'est pareil. Si mon nom est écrit dedans, là, dans le livre, là, il a été fait dès la fondation du monde, pas ma naissance, pas ma conversion, comment est-ce qu'il a été fait avant que j'existe physiquement dans ce monde-là? Et là, vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Où est-ce qu'ils vont venir? J'y viens. Est-ce que vous connaissez le prophète Balaam? Hein? Avec l'âne, le fameux, c'est le prophète à l'âne, qui parlait avec un âne. Balaam, à un moment, c'était un prophète qu'on avait demandé de venir maudire Israël, parce que, bon. Et Balaam, il y a un moment, il fait une prophétie vibrante. Balaam, au chapitre 24, dit, je le vois, mais non maintenant. C'est un grand prophète, au passage. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat les enfants de Seth. Pour certains, cette vision que Balaam a eue, c'est ça parlait du Messie, de Jésus, qui venait. Bon, pour d'autres, c'est d'autres, etc. Mais je prends cette version-là. Okay? Il a vu la venue du Messie en Israël, la naissance du Christ, l'avènement du Christ. Je vous pose une question, juste pour réfléchir comme ça. Ce que Balaam voyait, d'après vous, c'était réel ou pas? Je vous pose une question. Est-ce que pour vous, ce que Balaam voyait, quand il dit je, il ouvre, parce qu'il a une vision, il ouvre, il voit, ce que Balaam a vu ou à ce moment-là, au moment où il le voyait, est-ce que c'était réel ou pas réel? C'est pour? Juste pour lui, c'était réel, mais. Oui, mais je comprends, mais pour lui, c'était réel, mais est-ce que c'était une réalité? C'est? C'était une vision. C'est une vision, comme à la télé, comme une illusion? Le? Oui? D'accord. Moi, c'est une question que je me suis posée souvent. Et ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Les prophètes, quand ils voyaient des choses, je prends un exemple. Jésus, quand il est venu trouver Nathanaël, il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ok. Quand Jésus voyait Nathanaël, c'est une vision, c'est pareil. C'est une vision prophétique. Quand Jésus voyait Nathanaël avant qu'il ne se rencontre, est-ce que ce que Jésus voyait était réel? Est-ce que ça se passait réellement? Là où je veux en venir, la vision prophétique, les prophètes, ce qu'ils voyaient, je pense que ce qu'ils voyaient se passait réellement. Mais simplement, ça se passait à un autre niveau que notre niveau à nous. Et il a fallu du temps, des siècles et des siècles, pour que ce qu'ils ont vu vienne et s'accomplir dans notre réalité que nous voyons tous les jours. Il y a des choses qui sont des réalités spirituelles. Elles sont vraies de toute éternité. Paul dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Il ne dit pas, nous serons assis. Nous sommes assis. On a souvent coutume de prendre les choses de manière philosophique ou de manière spirituelle en disant, oui, c'est une image de machin. Mais et si Paul disait que non, réellement, nous sommes assis. Mais la réalité de ces choses dans notre espace-temps maintenant n'est pas encore accomplie. Où est-ce que je veux en venir? Ça nous amène où, tout ça? Comme je vous ai bien embrouillé, revenons un peu à la foi. Simplement ceci. La foi. Pourquoi est-ce que la foi, quand je dis la foi, la substance de la foi transcende l'espace et le temps? Parce que la foi nous permet de voir l'éternité. C'est ça le propre de la foi. Elle nous permet de voir l'éternité. Ne prenons pas l'éternité comme un concept de le temps qui n'a pas de fin. C'est hors du temps. Il y a des choses qui sont établies hors du temps. Nous prions, nous recevons ces choses-là. Elles sont établies. Dieu dit, c'est fait, elle est là. Simplement, il faut l'amener à notre réalité. Et il faut qu'on puisse le voir pour le faire. Je prie pour ma guérison. Par la foi, je vois. Je vois, je n'imagine pas. Je vois que c'est un fait réel. Paul dit une démonstration. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis guéri. Parce que c'est une évidence pour moi. Quand je prie, je suis dans la communion avec le Seigneur. Pour moi, je le vois là, c'est clair et net. Alors, ce que je vois, je le ramène dans ma réalité. Ce que je contemple, je l'amène dans notre réalité par la foi. Il y a une interaction entre ce que je contemple et moi-même. Il y a une interaction entre ce que je contemple et moi-même. C'est le psalmiste qui a dit, ou c'est Job, qui a dit que je ne mets rien de mauvais devant mes yeux pour ne pas pécher contre toi. Je n'ai rien mis de mauvais devant mes yeux. Je ne me rappelle plus si c'est le psalmiste ou c'est Job. Mais à culpa. Je ne me rappelle plus de David. Il y a toujours cette notion du regard, de la contemplation qui agit sur nous. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Il y a une interaction. Ce que je contemple dans l'éternité, ce que je contemple agit sur moi. Et d'une manière ou d'une autre, maintenant on ne demande pas pourquoi, franchement j'en ai absolument aucune idée. Il y a comme si ce que j'ai vu dans l'éternité, je le ramène dans ma réalité, à cause de ma foi, par ma foi. Elle est puissante. À plusieurs reprises, Jésus a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est bizarre, parce que c'est lui qui fait le miracle. C'est lui qui impose les mains, c'est lui qui met la boue, c'est lui qui ressuscite le mort, c'est lui qui exauce les prières. Mais pourquoi à chaque fois il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé? Parce que la foi, elle est puissante, elle est agissante. La nature même de la foi dépasse notre monde. J'ai besoin d'un temps de questions. Je vais dépasser le point 2. Je vais directement aller au point 3. Je reviendrai une autre fois sur le point 2. La règle d'or, la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bah, c'est la règle d'or. Jésus dit qu'elle résume, quand il dit car c'est la loi et les prophètes, elle résume tout ce que dit la loi et tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà ce que veut dire car c'est la loi et les prophètes. La question c'est pourquoi elle résume la loi et les prophètes. Ça c'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Je vais répondre pour ma part et j'aimerais avoir votre réponse à vous. Moi pour moi, la réponse que moi je peux proposer dedans, pourquoi est-ce qu'elle résume la loi et les prophètes? Parce qu'en fait, l'ensemble des lois et des prédications des prophètes ne vise qu'une chose, le bien-être de celui qui l'observe, avant même l'intérêt des autres. La loi est donnée pour mon bien. Tout dépend de la façon dont on voit la loi. Je prends un exemple. Moi, quand j'étais petit, on m'avait dit de ne pas toucher la prise. Une fois, je voulais mettre un truc de fer dedans. Là, on m'en a... Ah oui, oui, à l'époque, on y allait. On m'en a collé une, mais une bonne. Moi, j'ai trouvé ça mais méchant, mais vraiment méchant. Et du coup, à la moindre occasion, le jour où il n'y a eu personne à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il y avait un petit fil de fer là. Ici, on n'en a pas, mais chez nous, quand souvent, il y a les cours, c'est le grillage. Quand... Donc, j'ai coupé un petit bout de fer, là. J'ai mis dans la prise. Ah, ouais. Et après, j'ai... Enfin, là, j'ai compris pourquoi. Pourquoi ma... La loi n'est pas faite pour m'embêter. Ça n'a pas été donné pour casser mon rêve. Pour casser mon... C'est dans mon intérêt. Et c'est dans celui... Et pourquoi c'est dans mon intérêt? Mais parce que si tu l'enfreins et que tu fais du mal aux autres, ils t'en feront du mal aussi. Ne fais pas du mal aux gens. Si tu en... On t'en fera aussi, on te fera la même chose. Et tu n'aimeras pas ça. Tu ne convoiteras pas la femme du prochain. Ne vise pas à te punir ou à te priver de ta liberté, de tes fantasmes, là. Il dit, mais... Hein? Et ça ne vise pas à protéger l'intérêt du voisin. Pourquoi j'ai pas le droit de convoiter une demain? Il dit, mais simplement parce que convoiter la femme de l'autre, c'est dangereux pour toi. C'est pas bon pour ta santé, ni mentale, ni physique. Proverbe chapitre 6, et je terminerai là, dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Donc, même si tu penses que tu vas t'en sortir là, par des petites entourloupettes, mon gars, laisse tomber. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne demeurera pas impuni. Il dit, celui, verset 32, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agira ainsi. Car la jalousie met un homme, là on parle du voisin maintenant, à qui tu as piqué la femme. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il aura ta peau. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible. Quand même, tu multiplieras les dons. Donc, fais aux gens ce que tu veux qu'on te fasse. Et ne leur fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est la loi et les prophètes. Parce que la loi, justement, a été donnée pour ton bien-être. Pour toi, d'abord. Ensuite, pour les autres. J'ai deux questions pour vous. Et j'aimerais prendre peut-être 10 minutes. 10 minutes, c'est bon ? 10 minutes, ça va ? Non ? On est à 30, on aura 40. Juste 10 minutes. J'ai juste deux questions. Répondez à l'une ou à l'autre. La première, demandez, il vous sera donné. Moi, personnellement, autour de moi, je n'observe pas un taux de réponse divine élevé, pour dire les choses un peu comme ça. Beaucoup de gens demandent beaucoup de choses. De temps en temps, il y a des témoignages. J'ai demandé ça au Seigneur, il me l'a donné, mais les témoignages sont plutôt rares. Soit les gens sont pingres en témoignage, ne donnent pas les témoignages, ou soit simplement qu'ils reçoivent peu. La question, c'est pour vous, pourquoi on reçoit si peu? Et la deuxième question, c'est celle à laquelle j'ai tenté de répondre ici, c'est pourquoi est-ce que Jésus dit que c'est la loi et les prophètes, le fait de faire à autrui ce que tu veux qu'on te fasse?